Yesterday, I tried to explain how we are lucky enough, how we are fortunate enough, seeing the Buddha being a human being, then having Satta. Hier, je vous ai expliqué que vous étiez très chanceux parce que vous étiez né dans l'ère d'un Bouddha, parce que vous êtes né dans le plan humain, parce que vous avez confiance, Sadda, dans le Bouddha, dans le Dhamma, dans la Sangha, parce que vous avez la possibilité de renoncer pendant un certain temps au monde dans le but de comprendre le corps et l'esprit. J'ai également essayé de vous expliquer que pour avoir une Sadda complète, il faut avoir réussi à comprendre clairement. Et pour réussir à comprendre clairement, il faut que les cinq facultés soient développées et mises en équilibre. Nous essayons en ce moment de développer notre Sadda de façon à ce qu'elle devienne parfaite, complète. Pour réussir à avoir une Sadda complète, il faudra appliquer les cinq facultés. Je vous les rappelle brièvement. Les cinq facultés sont Sadda, Viriya, Sati, Samadhi et Panya. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. It's easy. So please repeat three times. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Would you please repeat after me, just to recite fluently? Sadda indriya, Sadda indriya, Viriya indriya, Viriya indriya, Sati indriya, Sati indriya, Samadhi indriya, Samadhi indriya, Panya indriya, Panya indriya, Sadda indriya, Sadda indriya, Viriya indriya, Viriya indriya, Sati indriya, Sati indriya, Samadhi indriya, Samadhi indriya, Panya indriya, Panya indriya, Sadda indriya, Sadda indriya, Viriya indriya, Viriya indriya, Sati indriya, Sati indriya, Samadhi indriya, Samadhi indriya, Panya indriya, Panya indriya, Sadda indriya, Viriya indriya, Sati indriya, Samadhi indriya, Panya indriya, Sadda indriya, Viriya indriya, Sati indriya, Samadhi indriya, Panya indriya. Ce sont donc là les cinq facultés mentales. Lorsqu'on pratique la méditation, il faudra que ces facultés fonctionnent de façon harmonieuse et qu'elles soient maintenues en équilibre. Hier, je vous ai expliqué de quelle façon les facultés sont en équilibre. Les pratiquants ont des tempéraments différents. Certains yogis auront beaucoup de Sadda. Ils auront confiance dans le Bouddha, dans le Dhamma, dans la Sangha. Ils auront confiance dans la pratique. Sadda et Panya doivent fonctionner de façon harmonieuse. Ces deux facultés doivent être équilibrées. Si Sadda est très forte, Panya est faible. Lorsqu'on dit Panya, on veut dire la connaissance du Dhamma essentiellement. Le méditant pourrait faire des erreurs, pourrait pratiquer de façon incorrecte. Mais si Panya est très forte et que c'est Sadda qui est faible, il est possible également que le méditant fasse des erreurs. Si quelqu'un a beaucoup de Sadda, mais pas beaucoup de sagesse, on pourra facilement le tromper. tout simplement parce que cette personne ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'a pas de sagesse. Il croira tout ce qu'on lui dit, parce que sa confiance est très forte. Si une personne n'a pas beaucoup de sadha, elle n'a pas confiance ni dans le Bouddha, ni dans le Dhamma, ni dans la Sangha. Quand on parle du Dhamma, on veut dire dans la pratique. Mais si par contre cette personne a une certaine connaissance, elle a beaucoup lu à propos du Dhamma et elle a une certaine compréhension du Dhamma, cette personne ne pratiquera probablement pas et elle ne fera pas non plus d'action méritoire, parce qu'elle jugera tout cela inutile. Donc, si quelqu'un n'a pas beaucoup de sadha, mais qu'il a beaucoup de sagesse, il perd la chance d'obtenir les bénéfices de la pratique. Si quelqu'un a beaucoup de sagesse et pas beaucoup de sadha, il perd également sa chance d'obtenir les bénéfices de la pratique. C'est pourquoi ces deux facultés, sadha et panya, doivent être en équilibre. Viriya, l'énergie, et samadhi, la concentration, sont deux énergies qui doivent être également maintenues en équilibre. Elles doivent fonctionner harmonieusement. Par la pratique de vipassana, il est possible d'atteindre l'illumination et de se libérer ainsi de la souffrance. Nous savons qu'il faut, pour y arriver, noter sans arrêt tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Nous avons compris les bénéfices qu'amène la méditation vipassana. Et nous avons alors un fort désir d'atteindre ces résultats, d'atteindre l'illumination. Nous devenons impatients. Nous notons sans arrêt. Nous sommes dans la précipitation. À cause de cette impatience et de ce désir d'atteindre l'illumination, nous n'arrivons pas à maintenir notre esprit fixé sur l'objet présent. Nous n'arrivons pas à noter attentivement et à maintenir notre attention pendant un certain temps. On nous dit que ce n'est pas facile au début de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ce n'est pas facile de noter tous les contacts sensoriels. Parfois, on nous demande d'observer le mouvement de soulèvement du début à la fin, d'observer le mouvement d'abaissement du début à la fin. Nous allons alors essayer d'y arriver, mais au lieu de tout simplement noter ces mouvements, nous essayons de voir le début et ensuite la fin du soulèvement. Nous nous efforçons ensuite de voir le début et la fin de l'abaissement. Au lieu de tout simplement noter, nous désirons voir le début et la fin de ces mouvements. Nous voulons alors tout comprendre. Appliquer à fond les instructions, nous voulons tout faire parfaitement, et notre esprit devient agité. Au lieu de simplement noter, nous recherchons quelque chose, nous voulons obtenir quelque chose. On est très occupé, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'efforts. À cause de cet effort excessif, l'esprit devient agité. Un esprit agité n'atteint pas l'objet. Lorsqu'on fait trop d'efforts, l'agitation va facilement s'infiltrer. Il y a des yogis qui appliquent scrupuleusement les instructions. Ils s'efforcent d'être attentifs de façon continue lorsqu'ils pratiquent en posture assise. Ils observent très attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ils observent également les autres objets comme les pensées, les douleurs. Ils réussissent à noter tout. Leur esprit qui note, leur conscience attentive devient très puissante. Les objets deviennent très clairs. Et ils sont capables de gérer tout ce qui se manifeste à chaque instant avec succès. Ces méditants suivent le programme et emmènent leur attention après la posture assise dans la méditation en marche. Ils pratiquent la marche très attentivement et de façon continue. Ils sont réguliers dans leur attention. Ils essayent de ralentir leur mouvement. Et tout ceci, ils le font de façon régulière pendant toute la journée. En posture assise également, ils s'efforcent d'être très attentifs. Ils peuvent ainsi équilibrer leur pratique et viriya l'effort et samadhi la concentration sont en équilibre. Lorsque Viriya et Samadhi sont en équilibre, Samadhi va se développer. Lorsque Samadhi sera devenue très forte, la sagesse va suivre automatiquement, la claire compréhension. Donc Sadda et Panya doivent être en harmonie, Viriya et Samadhi doivent être en harmonie. Quant à Sati, l'attention, elle est toute seule. Elle peut être développée à l'infini. Plus nous serons attentifs, mieux nous comprendrons. Comment en arrive-t-on à comprendre clairement? Prenons par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Lorsque nous notons attentivement le soulèvement et ensuite l'abaissement de l'abdomen, au début, nous ne voyons pas encore grand-chose. Mais après quelque temps, l'esprit qui note va se renforcer, et le méditant réussira à maintenir son esprit sur l'abdomen. Il verra alors, il expérimentera, que l'abdomen se gonfle ou se soulève, et qu'ensuite il se dégonfle ou s'abaisse. Chacun expérimente à sa façon. Pour certains, l'abdomen va se dilater. Pour d'autres, l'abdomen va monter. Chacun expérimente et explique donc à sa façon comment il a expérimenté le mouvement de soulèvement et le mouvement d'abaissement. Quoi qu'il en soit, le mouvement est dû à la présence de l'air dans l'abdomen. S'il n'y avait pas d'air dans l'abdomen, il ne bougerait pas. Voir tout cela, expérimenter tout cela, c'est la compréhension. On nous dit qu'il faut observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption. Que plus nous observerons ces mouvements, mieux nous verrons. Nous devons noter sans interruption. C'est comme une génératrice qui devrait produire l'attention. Lorsque nous aurons réussi à éliminer les pensées de notre esprit, nous serons devenus capables d'observer de façon continue. Lorsque nous serons devenus capables d'observer de façon continue, nous verrons clairement. Au début, nous n'expérimentons qu'un mouvement vers le haut et ensuite un mouvement vers le bas. Mais dès que l'attention sera devenue forte, nous serons en mesure d'expérimenter, par exemple, qu'à la fin du mouvement de soulèvement, il y a de la dureté, qu'à la fin du mouvement d'abaissement, il y a une poussée, une sorte d'énergie, et nous expérimenterons peut-être de la dureté de la tension. Expérimenter tout cela, c'est comprendre clairement. Parfois, lorsque Viriya et Samadhi sont en équilibre, le mouvement va devenir très doux, régulier, automatique. Mais parfois, ce sera l'inverse, le mouvement ne sera pas régulier, il y aura de la tension. Expérimenter tout cela, voir tout cela, c'est remarquer, comprendre, voir clairement. Parfois, si vous êtes très attentif, vous constaterez qu'il y a de la chaleur dans votre estomac. Parfois, vous entendrez des bruits dans les intestins. Il y aura de l'air dans l'estomac. Vous expérimentez tout cela. Ne pensez pas que vous avez une maladie. Ceci est simplement dû au fait que vous observez attentivement et vous voyez les éléments. Même si vous ne le dites pas, si vous ne le conscientisez pas, vous avez expérimenté ces choses. Vous notez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous avez réussi à développer dans une certaine mesure votre attention et votre concentration. Et à ce moment-là, même si vous ne dirigez pas délibérément votre attention vers ces objets, vous sentez spontanément le contact entre les mains. Vous expérimentez qu'il y a à cet endroit de la lourdeur, de la chaleur. Vous vous souviendrez peut-être que dans les enseignements qui ont précédé, nous avons repris les paroles du Bouddha qui disait « Le méditant, ayant éliminé l'avidité et la colère, ayant donc éliminé les impuretés de son esprit, demeure en contemplant le corps. » Votre attention et votre concentration sont donc devenues relativement fortes. Vous avez éliminé les impuretés de votre esprit et vous êtes devenu capable d'expérimenter spontanément des sensations dans le corps, même si vous ne dirigez pas délibérément votre attention vers ces sensations. En posture assise, vous gardez le dos bien droit. Votre main droite est posée dans la paume de la main gauche. La main gauche se trouve donc en dessous de la main droite. Et vous notez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Subitement, vous expérimentez spontanément le contact entre ces deux mains. Vous expérimentez à cet endroit de la chaleur, peut-être aussi de la lourdeur. Et si vous êtes très attentif, vous verrez à quel endroit précis c'est la chaleur qui se manifeste, à quel endroit précis c'est la lourdeur qui se manifeste. Et vous serez capable de l'expliquer très clairement à l'entretien sans devoir nécessairement préparer votre rapport, tout simplement parce que vous l'avez expérimenté. En posture assise, vous gardez les jambes croisées. Lorsque votre esprit sera devenu très concentré, vous expérimenterez spontanément des sensations dans les genoux. Vous sentirez le contact entre les vêtements et certaines parties du corps. Vous sentirez peut-être qu'au niveau des chevilles, il y a de la dureté, de la chaleur. Les os sont en contact avec le sol pendant longtemps et cela provoque des sensations. Si vous observez attentivement le corps, lorsque votre attention sera devenue forte, vous serez spontanément conscient de ces sensations, sans nécessairement les rechercher. Elles vont se manifester spontanément à votre esprit. Vous ressentirez subitement de la chaleur quelque part dans le corps, du mouvement, des tremblements, partout dans le corps, à n'importe quel endroit. Vous ressentirez parfois des démangeaisons. Lorsque vous expérimentez des démangeaisons, en réalité, c'est la manifestation de l'élément air. C'est une sensation très intense, mais très subtile. En posture assise, vous restez bien droit pendant une heure et vous ne bougez pas. Vous appliquez strictement les instructions. Si vous êtes très sensible, il est possible qu'après 5 minutes ou même parfois après 1 minute, vous sentiez une certaine tension dans le corps. Vous allez donc expérimenter spontanément cette sensation de tension dans le corps tout entier. Vous restez assis, jambes croisées, et vous allez forcément ressentir des sensations de contact. Contact des jambes avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, vous ressentez le contact entre le corps et la chaise, entre le corps et le coussin, si vous êtes assis sur un coussin. Toutes ces sensations sont inévitables étant donné que vous restez assis sans bouger pendant une heure. Tout cela, c'est expérimenté, remarqué. Vous observez scrupuleusement les instructions et vous ne changez pas de posture. Forcément, les douleurs vont apparaître. Il y aura toutes sortes de sensations douloureuses. Votre esprit n'est pas encore assez fort et ressent de l'aversion pour ces sensations douloureuses. Il n'en veut pas. Mais quand vous pratiquez de façon respectueuse, vous ne bougez pas, vous maintenez la posture. La douleur va devenir très forte, qu'elle se manifeste dans les jambes, dans le dos, dans la tête, mais vous n'abandonnez pas. Et si vous pleurez, avez-vous des larmes qui coulent? Avec larmes ou sans larmes? Alors vous notez, pleurez, pleurez, et vous sentez les larmes qui coulent sur votre joue. Donc Sayadaw voudrait savoir, il a parlé de toutes les sensations que le méditant est susceptible d'expérimenter, il vous demande si vous avez expérimenté ce type de sensations, avez-vous expérimenté de la fatigue, avez-vous expérimenté de la chaleur dans certains endroits du corps, de la tension? Je vous ai posé toutes ces questions parce que lorsque je donne un enseignement, j'aime le faire d'un point de vue pratique et que les méditants ressentent directement dans leur propre pratique ce dont il s'agit. Le Bouddha renonça au monde et à sa famille à l'âge de 29 ans. Juste avant de quitter le palais de son père, il apprit qu'il avait un fils. Si le futur Bouddha n'avait pas eu des paramis parfaitement mûr, il ne serait pas parti, il n'aurait pas quitté sa famille. Ce n'est pas possible de quitter sa famille lorsqu'on a un jeune enfant, à moins que les paramis ne soient parfaitement développés. Lorsqu'il atteint l'illumination et qu'il retourna dans son pays natal, à Kapilavatthu, sa femme, qui le vit arriver, dit à son jeune enfant, « Cet homme qui arrive là, très attentif, c'est ton père. Il nous a quittés, demande-lui donc ton héritage. » Rahula, qui avait à l'époque 7 ans, demanda donc au Bouddha son héritage. Le Bouddha lui dit, « Je n'ai rien à te donner. La seule chose que je possède et que je peux te donner, c'est la possibilité de devenir un samanera, un novice. » Le jeune Rahula, qui était donc devenu novice, alla un jour voir le Bouddha. Il le salua respectueusement et s'assit à côté de lui. Le Bouddha lui dit, « Rahula, en soi, il y a Patavidhatu. C'est l'élément interne. Rahula, à l'extérieur de soi, il y a Patavidhatu. Il y a donc Patavi à l'intérieur et Patavi à l'extérieur. » Rahula était très jeune, il n'avait que 7 ans. Mais le Bouddha lui expliqua qu'il n'y avait jamais que 2 sortes d'éléments, terre, Patavidhatu, à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Il n'y a jamais que des éléments. Le Bouddha dit à Rahula, « Cet élément Patavi interne et ce Patavi externe doit être vu. Il faut l'expérimenter, le voir vraiment, avec la compréhension juste. Il faut comprendre que cet élément n'est pas à moi, que cet élément ce n'est pas moi, que cet élément n'est pas un ego. Il faut voir cela clairement avec la connaissance. » Et le Bouddha expliqua ensuite à Rahula la même chose à propos des 3 autres éléments. Apo, l'eau, Tejo, le feu, et Vayu, l'air. Ces choses doivent être expérimentées et comprises très clairement avec la connaissance, ce qui veut dire qu'il faut comprendre, expérimenter clairement que ces choses ne sont pas à soi, que ces choses ne sont pas soi, ne sont pas un je, que ces choses ne sont pas un ego. Ce sont en fait les instructions pour la méditation. Par la pratique des 4 établissements de l'attention, nous pourrons expérimenter tout cela. Je vous ai expliqué comment le yogi expérimente les 4 éléments lorsqu'il pratique Satipatthana. Vous maintenez votre attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Dès que votre esprit sera devenu concentré, que Viriya et Samadhi se seront mis en équilibre, vous serez en mesure de voir que l'abdomen se gonfle ou se soulève, qu'il se dégonfle ou s'abaisse. Vous expérimenterez ainsi l'élément air, c'est le mouvement. À la fin du soulèvement, vous expérimenterez peut-être de la dureté, de la tension. C'est l'élémentaire que vous expérimentez. Il est possible également que vous expérimentiez de la chaleur. C'est le feu. Et si vous pleurez, je viens de vous en parler précisément pour cela, et que vous sentez les larmes couler sur vos joues, c'est l'élément eau que vous expérimentez. Expérimenter de façon authentique tout cela, c'est comprendre, remarquer, c'est la sagesse. Mais nous devons encore apprendre à noter sans interruption, de façon à ce que nous puissions comprendre et voir ce qui doit être vu. Autrement dit, voir qu'il n'y a en nous que des éléments, que ces éléments ne sont pas un je, qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'ils n'appartiennent pas à un ego, qu'il n'y a pas d'ego à l'intérieur de nous. Autrement dit, expérimenter anicca, dukkha, anatta. Nous devons réussir à comprendre en profondeur l'enseignement du Bouddha. Si vous me dites, comme je viens de vous le demander, que vous n'avez pas expérimenté ces choses, je l'accepte. Si vous me dites que vous les avez expérimentées, je l'accepte également. Tout simplement parce que c'est très difficile de savoir où on en est, que parler c'est facile, mais expérimenter c'est très difficile. Il faudra que le méditant réussisse dans un premier temps à se débarrasser des empêchements. Il faut donc que nous continuions à noter le corps et l'esprit du mieux que nous le pouvons, de façon à ce que notre compréhension mûrisse. Plus nous noterons, plus nous observerons de façon pénétrante et très attentive, plus nous comprendrons. Je vous ai donné des informations générales. Parfois, le méditant pourrait se demander comment fait-on pour expérimenter le Dhamma. Il a médité pendant une heure en posture assise et ressent de la tension à la fin de la session. Mais il ne réalise pas que cette tension, c'est le Dhamma. Il expérimente en fait les éléments, mais il ne met pas ses expériences, ses sensations en rapport avec le Dhamma, avec ce qu'il a entendu. Il attend autre chose. That is enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.